Bon, j'ai les doigts qui sentent la vie en vain, alors je vais pas chanter très longtemps parce qu'il faut que j'aille me laver les mains. Oh, plus jamais. Oh, plus jamais. Non, je ne t'embrasserai. Oh, plus jamais. Oh, plus jamais. Non, je ne t'embrasserai. Ami pour ami, je me tuerai. Dans mon cœur, un cran d'arrêt. Amour pour amour, talon aiguille. Me transperce comme autant de filles. Malheur au malheur de ma vie. S'en ira ainsi. Oh oh oh. Oh oh oh. Plus jamais. Oh oh oh. Oh oh oh. Plus jamais. Non, je ne t'embrasserai. Ami pour ami, mes cris sont sourds, hurlant le souvenir de tes pourtours. Amour pour amour, et tout est gris, tout est aigreur, tout sourit. Malheur au malheur, ce soir ma vie s'en ira aussi. Oh oh oh, oh oh oh, plus jamais. Oh oh oh, oh oh oh, plus jamais. Non, je ne t'embrasserai. Oh oh oh, oh oh oh, plus jamais. Oh oh oh. Oh oh oh, plus jamais. Non, je ne t'embrasserai.